Avant dernière mi-journée du mois de juillet 2021, il est 13h15 dans nos studios même heure à Nemba sur la frontière burundo-rwandaise et au commissariat communal de Gihanga. Bon après-midi et bienvenue au journal en français. Vous recevez Willy Sindaihebura, la présentation, la mise en onde est assurée par Nikki Inez. D'abord les grandes articulations de ce journal. L'urgence est de trouver des solutions aux défis qui entrent le secteur agricole et non de fixer les prix sur des produits selon l'ONG locale PARSEM. 19 Burundais capturés lors des attaques à main armée au Burundi au mois de septembre l'année dernière, remis au service de renseignement du Burundi par le Rwanda. Le matin de ce vendredi, événement ayant eu lieu à Nemba, vous entendrez plus dans cette édition. À Bourri, la population s'inquiète des feux de brousse qui ont déjà emporté une surface atteignant 20 hectares. L'administration au sein de la province demande à la population de s'apprêter à éteindre les feux et à être vigilant pour identifier les auteurs. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Habitons par cette brève en sécurité. Le Rwanda a remis au Burundi 19 militants rebelles capturés sur le sol rwandais fin septembre 2020 après des attaques à main armée au Burundi. L'événement s'est passé au poste frontalier de Nemba et a été assisté par le chef de renseignement de la défense du Rwanda, le général Vincent Nyakarundi, et son homologue burundais. L'événement a eu lieu sous la supervision du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Toujours en sécurité, un certain viateur nyonisé et étudiant dans l'une des universités en mairie de Bujumbura a été appréhendé par le commissariat communal de Gihanga dans la province Bubanza, en possession de 11,5 kg de chanvre. Selon les sources policières, ce jeune de 25 ans voulait vendre ses chanvres en mairie de Bujumbura et dans les localités de la commune Manda en province Bubanza. Cet étudiant a été arrêté par la police pour question d'enquête. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique signale que les noms de ses clients sont déjà connus et sentait à présent relâchement dans la mise en application des mesures barrières contre la COVID-19 dans les différents coins de la capitale économique Bujumbura. Ce relâchement s'observe surtout dans les bus de transport où les passagers ne portent pas de masque, ainsi que le manque d'eau dans les lieux à grand rassemblement. Plus de détails avec Joyce Guilaine Manchimwe. Ce relâchement de la mise en application des mesures barrières contre la COVID-19 se remarque surtout sur différents parkings se trouvant dans la capitale économique Bujumbura où pas de mal de passagers ne portent pas de masque lorsqu'ils se rendent ou rentrent de la ville. Les choses sont ainsi alors que même dans certains endroits, on ne trouve plus de dispositifs de lavage depuis ces derniers jours. Même là où ces derniers existent, il n'y a pas de savon et les citadins ne se souviennent plus de se laver la main. Le phénomène est le même aux entrées de différents marchés de la mairie de Bujumbura, car des gens entrent sans se laver les mains. Ces derniers jours, les gens se serrent en se saluant tout en ignorant toutes les mesures barrières contre la COVID-19. Le même relâchement de la mise en application des mesures barrières contre la COVID-19 s'observe chez les policiers qui se trouvent sur différents ponts de la mairie depuis ces derniers jours pour assurer le respect de ces mesures. Pourtant, même ces policiers qui devraient contrôler que les mesures ont été scrupuleusement respectées ne portent pas de masque. Ce qui est évident, c'est que les vendeurs des masques circulent partout sur les différents parkings. Vous saurez que le nombre de cas testés positifs de la COVID-19 a augmenté dans ces derniers jours dans le nord du pays ainsi qu'en mairie de Bujumbura. Merci Joyce Guilaine Manichimwe. Le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha appelle à tous les administratifs de faire respecter la mise en application de ces mesures barrières contre la pandémie de COVID-19 dans le but d'éviter la propagation de ce virus. Suivez Gervais Ndirakobucha, il est ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. salve inyigozo se zafashwe kwa narita zirijije kumushika kandi kwa magara yawa nukuli mbele zongile sikulichichi le dispositif ezo kukara wa kumasengiro. Je vous demande de mettre en place toutes les mesures prises par le ministère de la santé publique, surtout le respect de tous les dispositifs d'hygiène devant les églises. Vous savez que nous avons un sérieux problème après les vacances des élèves. Je vous suggère de respecter le lavage des mains, ne pas se saluer en se serrant les mains pour revenir aux mesures barrières et surtout sensibiliser la population de se faire dépister de la pandémie de COVID-19, principalement ceux qui font des voyages en commun. Le ministre de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, Gervais Ndilakoucha, a dit cela après un communiqué du ministère de la Santé affirmant que le nombre de cas de personnes testées positives sont élevés en province Kirundo, Ngozi et Bujumbura, Meri. Après une courte pause, l'actualité continue. Signature d'accord de coopération entre le Burundi et la République fédérale du Nigeria ce vendredi. Cet accord concerne le domaine de l'éducation et de la consultation politique. Cette signature a eu lieu entre le ministère des Affaires étrangères burundais et celui du Nigeria. Albert Shingiro, ministre ayant dans ses attributions les relations étrangères, explique que c'est après que des experts de ces deux pays viennent de passer 2 jours en train de négocier sur les accords à signer. Selon Albert Shingiro, cette signature vient pour renforcer les relations d'amitié entre le Nigeria et le Burundi. Suivez le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro. C'est une session qui vient clôturer le travail des experts de nos deux pays qui viennent de passer 2 jours en train de négocier sur les accords à signer dans des domaines d'intérêt commun entre le Burundi et la République fédérale du Nigeria. Le Burundi et le Nigeria entretiennent des relations en bonne santé, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec la signature de 2 accords dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des consultations politiques entre nos deux pays, nous pouvons passer de la phase bonne relation à la phase très bonne relation. Donc nous nous réjouissons de la signature de ces accords. Comme l'a dit mon collègue du Nigeria, prochainement nous irons aussi au Nigeria pour organiser la deuxième session de la commission mixte permanente de coopération entre nos deux pays pour pouvoir explorer les voies et moyens de signer d'autres accords éventuels dans d'autres domaines d'intérêt commun. C'est une rencontre qui vise à renforcer, cimenter davantage les relations d'amitié, de coopération, de fraternité entre la République fédérale du Nigeria et le Burundi. C'était Albert Shingiro, ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères. 300 personnes ont été victimes de la traite depuis 2020 et cela a été dit par Maître Prime Mbaluke, président de l'ONLCT. Où est ton frère? Maître Mbaluke le dit au moment où le 30 juillet le monde entier célèbre la journée internationale pour lutter contre le trafic des êtres humains et demande au gouvernement de mettre en place la journée dédiée à cette journée internationale. Prime Mbaluke. En mars 2021, le gouvernement kenyan a remis via l'Interpol au gouvernement burundais 89 femmes et filles burundaises arrêtées sur le sol kenyan dans une maison close le 26 février 2021 et qui ont été directement rapatriées au Burundi alors que le trafiquant voudrait les faire embarquer toujours vers la même destination. À ces victimes s'ajoutent enfin les 30 femmes et filles burundaises qui au début du mois d'avril 2021 ont été appréhendées par l'Interpol ougandaise alors qu'elles tentaient et aussi de s'envoler vers la même destination des pays du Golfe arabe. Selon nos sources d'une deux fois, parmi ces femmes et filles burundaises arrêtées sur le chemin du trafic, figurent des 101 femmes et filles qui ont été découvertes dans une maison close située en zone Buterere à Mairie de Bujumbura par la police burundaise le 14 décembre 2020. Devant ce démantèlement systématique du trafiquant par les institutions publiques habilitées, faisant face à l'imperméabilité, 88 enfants et mineurs et jeunes hommes ont été déportés vers le Tanzanie au cours de ce premier semestre 2021 pour y être exploités dans ce même pays de transit Ça arrive ainsi depuis janvier jusqu'au mois de juin 2021. 202 victimes du trafic des êtres humains déjà identifiées par l'ONRC et ton frère, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONRC et ton frère, demande au gouvernement d'instaurer au Burundi une journée nationale pour la mobilisation de tous les Burundais contre le trafic des êtres humains au Burundi et que cette journée serait effectivement célébrée le 30 juillet de chaque année. Maître Prime Mbaruke et le secteur agricole au Burundi fait face à de nombreux défis. C'est du moins ce que précise Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG locale Parsem, lors d'un point de presse de ce vendredi. Faustin Dikoumana suggère qu'il y ait des stratégies pour trouver solution à ces défis au lieu de se précipiter à fixer des prix alors que la production agricole est encore faible. S'il y a une surproduction, les prix diminuent eux-mêmes à partir de l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui, si on analyse sur le terrain, on constate une inflation des produits agricoles. Publication de l'ISTEGU vient de prouver que la part de l'inflation des produits agricoles alimentaires au niveau de l'inflation globale est très élevée. Il n'y a pas d'indicateur tangible suffisant pour prouver qu'au Burundi a une surproduction. J'imagine que plutôt il faut se concentrer sur les défis actuels qui rentre au secteur agricole pour augmenter la production. La petite exploitation agricole, on t'avait avec 0,25 hectares par ménage, il y a plus de 30% des familles sans aide agricole. Il faut des laboratoires. C'est dommage, par exemple, que le Burundi n'est plus, par exemple, créé un laboratoire très moderne pour soutenir la production agricole. Maintenant, les petites agriculteurs ne peuvent plus avoir même une production de taux suffisant. Il faut avoir d'autres opportunités, d'autres métiers pour permettre à augmenter le revenu, même en milliard pour pouvoir acheter la production alimentaire, certes par les gens engagés. Petit à petit, le nombre d'agriculteurs vraiment professionnels va diminuer, c'est-à-dire que même en dehors de la petite agriculture familiale, il n'y a pas plantation culturelle qui peut vraiment augmenter la production de façon visible. Toujours en environnement et agriculture, la loi de faire en élevage en stabilisation est maintenant définitive, car elle est déjà approuvée par le président de la République du Burundi. Cela a été dit par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement lors de la présentation des réalisations de ce ministère. Déoguide Lulema, patron de son ministère, fait savoir que le gouvernement burundais avait annoncé un délai de 3 mois aux éleveurs pour s'y préparer et cela sera mis en application dès le 4 octobre l'an 2021 en cours. Suivez Déoguide Lulema, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, traduit en français par Ephraim Tid. Les honorables députés et sénateurs représentent la population. Ils nous ont demandé de soumettre leurs doléances auprès du gouvernement que la population a besoin d'un temps suffisant pour se préparer à la stabilisation permanente. Les représentants de la population ont donné chacun ses points de vue et nous nous sommes convenus de la mettre en application dans un délai de 3 ans. Cette loi est alors approuvée par le président de la République et nous l'avons fait après avoir recueilli les idées de la population et celle des représentants de la population au sein du Parlement et du Sénat. Alors, cette loi est définitive. Nous venons de faire un sondage à travers tout le pays et nous avons constaté que la population avait soif de la mise en application de cette loi. Si tu te rends à Kayanza, Gitega, Muyinga et même à Kirundo, tu ne peux pas trouver où paître tes troupes. À Gitega, où le ministère se trouve maintenant, tu rencontres une personne avec une chèvre qui porte un masque pour l'empêcher de brouter les champs d'autrui. Ils ont déjà compris ça. Si tu as un espace cultivable de 2 ou 3 hectares et que tu les consacres à l'élevage, clôture d'abord cette surface et puis tu amènes tes troupeaux dans cet espace clôturé. C'est cela qu'on appelle élevage en paddock. Mais, comprenez-moi bien, n'allez pas dire que je vous envoie pêtre vos troupeaux dans les champs d'autrui. Tu amènes tes troupeaux broutés dans cet espace, puis tu les reprends pour les amener dans les tables dans toute sécurité. C'est cela qu'on appelle élevage en paddock. Cela est permis et c'est bien écrit dans cette loi. Actualité dans l'environnement dans la province de Bururi. Plus de 20 hectares de boisements et végétation naturelle ont été déjà emportés par les feux de brousse dès le début de la saison sèche dans cette province de Bururi. Selon Renova Nyomungere, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Bururi, Les auteurs de ces feux de brousse restent encore inconnus, mais demandent à la population d'être vigilante afin d'éteindre au cas où ils s'observeraient de feux de brousse depuis Brori Zenonzabimana, correspondance. Ces feux de brousse s'observent depuis le début de ce mois de juillet dans la province de Brori, mais la population intervient chaque fois pour l'éteindre. Renovan Yomong, le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Brori, fait savoir que plus de 20 hectares ont été déjà dévastés par les feux de brousse. Les dégâts enregistrés sont déjà énormes selon Renovan Yomong. Surtout au niveau de la chaîne Kibimbi en commune de Rutovu. Et dans ces jours-ci, on a déjà observé les feux de brousse dans toutes les communes de la province. Dans la commune de Rutovu, on a déjà observé 10 hectares qui sont brûlés. Dans la commune de Songa, 5 hectares sont déjà partis en fumée. À Vianda, on a observé 3 hectares de feux de brousse. À Bururi, on a observé 1 hectare. À Mugamba, on a vu 2 hectares qui sont brûlés. Et à Matana, une petite superficie de 0,1 hectare. Il appelle la population de la province de Brûlé à sauvegarder l'environnement. Il fait savoir que ceux qui brûlent pour chercher les pâturages se trompent, car la loi sur la stabilisation permanente sera mise en application à partir du mois d'octobre de cette année. Et les auteurs de ces feux de brousse, une fois attrapés, sont punis conformément à la loi. Le code forestier, tout est clair. Par exemple, si on trouve un animal dans un espace qui est brûlé, donc à la générescence, il est puni d'une amende de 100 000 par vache. C'est-à-dire que si on trouve 3 vaches qui brûlent dans un espace qui est brûlé, peut-être 300 000 à l'OBE, c'est-à-dire que 300 000 c'est beaucoup. Il est obligé de vendre peut-être la propriété ou une vache pour les 300 000. Conseiller à la population de garder l'environnement sain, de veiller à ce que le feu brûle la végétation naturelle, parce que c'est là où se trouve la biodiversité, de la faune et la flore. Renovan Yomongere appelle la population de Brûlé à continuer à éteindre chaque fois en cas de ces feux de brousse. Depuis Brûlé, Zenzanban pour la RCF Ponecha FM. Actualité internationale. L'actualité internationale, non loin de chez nous, en République démocratique du Congo, 3 personnes tuées, dont un militaire des forces armées de la RDC et un coupeur de route, un conducteur de bus de transport enlevé et plusieurs biens de valeur volés. C'est le bilan enregistré lors de 2 opérations de braquage par des bandits armés sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Rusizi en 2 jours. Depuis la RDC, reportage de Jean-Berkimas Luracha. Parmi les victimes, un coupeur des routes neutralisé par les éléments des FARDC en patrouille la soirée de jeudi 29 juillet à Nyamunindi, localité située entre la cité de Kiliba au sud et Runingu au nord. C'est lors d'une opération menée par les forces de l'ordre contre un groupe de bandits armés qui tentaient d'arrêter de véhicules et de motos. C'était vers 17h local. Les corps de ces malfrats jonchaient encore dans un champ de manioc situé non loin de la route nationale 5 jusqu'à ce vendredi vers 8h. Information confirmée par les commandements des FRDC du 122e bataillon spécial commando basé à Kabunambo dans la plaine de Rusizi. Un militaire et un autre passager ont été abattus par balle par des coupeurs de route le mercredi 28 juillet dans la matinée. C'est lorsque le minibus de l'agence de transport Okapi El Shaddai qui les transportait a été attaqué toujours sur la RN5 au niveau du village Rudouga, en groupement de Bouguera en territoire d'Ouvira. Notez, le chauffeur du véhicule est lui reparti avec ses bandits vers une destination inconnue. Ces derniers ont emporté une importante somme d'argent et beaucoup d'autres biens de valeur selon d'autres passagers victimes. Tuvira, Jean-Bertimant Seloulacha, pour RSF Bonesha FM. Merci, Jean-Bertimant Seloulacha. C'est par cette actualité en République démocratique du Congo que nous mettons point final à cette grande édition de l'avant-dernière journée du mois de juillet 2021. Merci à toute la rédaction de Bonesha FM. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Niki Ineza pour la parfaite collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula. Et un bon après-midi et surtout bonne suite de programme.